Maître Zacharius de Jules Verne. Chapitre 1. Nuit d'hiver. La ville de Genève est située à la pointe occidentale du lac auquel elle a donné ou doit son nom. Le Rhône, qui la traverse à sa sortie du lac, la partage en deux quartiers distincts et est divisé lui-même au centre de la cité par une île jetée entre ses deux rives. Cette disposition topographique se reproduit souvent dans les grands centres de commerce ou d'industrie. Sans doute, les premiers indigènes furent séduits par les facilités de transport que leur offraient les bras rapides des fleuves, ces chemins qui marchent tout seuls, suivant le mot de Pascal. Avec le Rhône, ce sont des chemins qui courent. Aux temps où des constructions neuves et régulières ne s'élevaient pas encore sur cette île, ancrée comme une galiote hollandaise au milieu du fleuve, le merveilleux entassement de maisons grimpées les unes sur les autres offrait à l'œil une confusion pleine de charme. Le peu d'étendue de l'île avait forcé quelques-unes de ces constructions à se jucher sur des pilotis engagés pêle-mêle dans les rues de courant du Rhône. Ces gros madriers, noircis par les temps, usés par les eaux, ressemblaient aux pattes d'un crabe immense et produisaient un effet fantastique. Quelques filets jaunis, véritables toiles d'araignée tendues au sein de cette substruction séculaire, s'agitaient dans l'ombre comme s'ils eussent été le feuillage de ces vieux bois de chêne, et le fleuve, s'engouffrant au milieu de cette forêt de pilotis, écumait avec de lugubres mugissements. Une des habitations de l'île frappait par son caractère d'étrange vétusté. C'était la maison du vieil horloger maître Zacharius, de sa fille Gérande, d'Aubert Thune, son apprenti, et de sa vieille servante scolastique. Quel homme à part que ce Zacharius! Son âge semblait indéchiffrable. Nul des plus vieux de Genève n'eût pu dire depuis combien de temps sa tête maigre et pointue vacillait sur ses épaules, ni quel jour, pour la première fois, on le vit marcher par les rues de la ville en laissant flotter à tous les vents sa longue chevelure blanche. Cet homme ne vivait pas. Il oscillait à la façon du balancier de ses horloges. Sa figure, sèche et cadavérique, affectait des teintes sombres. Comme les tableaux de Léonard de Vinci, il avait poussé au noir. Gérande habitait la plus belle chambre de la vieille maison, d'où, par une étroite fenêtre, son regard allait mélancoliquement se reposer sur les cimes neigeuses du Jura. Mais la chambre à coucher et l'atelier du vieillard occupait une sorte de cave située presque au ras du fleuve et dont le plancher reposait sur les pilotis même. Depuis un temps immémorial, maître Zacharius n'en sortait qu'aux heures des repas et quand il allait régler les différentes horloges de la ville. Il passait le reste du temps près d'un établi couvert de nombreux instruments d'horlogerie qu'il avait pour la plupart inventés. Car c'était un habile homme. Ses œuvres se prisaient fort dans toute la France et l'Allemagne. Les plus industrieux ouvriers de Genève reconnaissaient hautement sa supériorité, et c'était un honneur pour cette ville qui le montrait en disant « À lui revient la gloire d'avoir inventé l'échappement ». En effet, de cette invention, que les travaux de Zacharius feront comprendre plus tard, date la naissance de la véritable horlogerie. Or, après avoir longuement et merveilleusement travaillé, Zacharius remettait avec lenteur ses outils en place, recouvrait de légères vérines les fines pièces qu'il venait d'ajuster et rendait le repos à la roue active de son tour. Puis il soulevait un judas pratiqué dans le plancher de son réduit et là, penché des heures entières, tandis que le Rhône se précipitait avec fracas sous ses yeux, il s'enivrait à ses brumeuses vapeurs. Un soir d'hiver, la vieille scolastique servit le souper auquel, selon les antiques usages, elle prenait part avec le jeune ouvrier. Bien que des mets soigneusement apprêtés lui fussent offerts dans une belle vaisselle bleue et blanche, maître Zacharius ne mangea pas. Il répondit à peine aux douces paroles de Gérande, que la taciturnité plus sombre de son père préoccupait visiblement, et le babillage de scolastique elle-même ne frappa pas plus son oreille que ces grondements du fleuve auxquels il ne prenait plus garde. Après ce repas silencieux, le vieil horloger quitta la table sans embrasser sa fille, sans donner à tous le bonsoir accoutumé. Il disparut par l'étroite porte qui conduisait à sa retraite, et sous ses pas pesants, l'escalier gémit avec de lourdes plaintes. Gérande, Aubert et Scolastique demeurèrent quelques instants sans parler. Ce soir-là, le temps était sombre. Les nuages se traînaient lourdement le long des Alpes et menaçaient de se fondre en pluie. La sévère température de la Suisse emplissait l'âme de tristesse, tandis que les vents du midi rôdaient aux alentours et jetaient de sinistres sifflements. « Savez-vous bien, ma chère demoiselle, dit enfin Scolastique, que notre maître est tout en dedans depuis quelques jours ? Sainte Vierge, je comprends qu'il n'ait pas eu faim, car ses paroles lui sont restées dans le ventre, et bien adroit serait le diable qui lui en tirerait quelqu'une. Mon père a quelque secret motif de chagrin que je ne puis même pas soupçonner, répondit Gérande, tandis qu'une douloureuse inquiétude s'imprimait sur son visage. Mademoiselle, ne permettez pas à tant de tristesse d'envahir votre cœur. Vous connaissez les singulières habitudes de Maître Zacharius. Qui peut lire sur son front ses pensées secrètes ? Quelque ennui sans doute lui est survenu, mais demain il ne s'en souviendra pas et se repentira vraiment d'avoir causé quelque peine à sa fille. C'était Aubert qui parlait de cette façon, en fixant ses regards sur les beaux yeux de Gérande. Aubert, le seul ouvrier que Maître Zacharius eût jamais admis à l'intimité de ses travaux, car il appréciait son intelligence, sa discrétion et sa grande bonté d'âme, Aubert s'était attaché à Gérande avec cette foi mystérieuse qui préside aux dévouements héroïques. Gérande avait 18 ans. L'ovale de son visage rappelait celui des naïves madones que la vénération suspend encore au coin des rues des vieilles cités de Bretagne. Ses yeux respiraient une simplicité infinie. On l'aimait comme la plus suave réalisation du rêve d'un poète. Ses vêtements affectaient des couleurs peu voyantes et le linge blanc qui se plissait sur ses épaules avait cette teinte et cette senteur particulière au linge d'église. Elle vivait d'une existence mystique dans cette ville de Genève qui n'était pas encore livrée à la sécheresse du calvinisme. Ainsi que soir et matin elle lisait ses prières latines dans son missel à fermoir de fer, Gérande avait lu un sentiment caché dans le cœur d'Aubert Thune. Quel dévouement profond ce jeune ouvrier avait pour elle! Et en effet, à ses yeux, le monde entier se condensait dans cette vieille maison de l'horloger, et tout son temps se passait près de la jeune fille, quand le travail terminé, il quittait l'atelier de son père. La vieille scolastique voyait cela, mais n'en disait mot. Sa loquacité s'exerçait de préférence sur les malheurs de son temps et les petites misères du ménage. On ne cherchait point à l'arrêter. Il en était d'elle comme de ces tabatières à musique que l'on fabriquait à Genève. Une fois montée, il aurait fallu la briser pour qu'elle ne jouât pas tous ses airs. En trouvant Gérande plongée dans une taciturnité douloureuse, Scolastique quitta sa vieille chaise de bois, fixa un cierge sur la pointe d'un chandelier, l'alluma et le posa près d'une petite vierge de cire, abritée dans sa niche de pierre. C'était la coutume de s'agenouiller devant cette madone protectrice du foyer domestique en lui demandant d'étendre sa grâce bienveillante sur la nuit prochaine. Mais ce soir-là, Gérande demeura silencieuse à sa place. « Eh bien, ma chère demoiselle, dit Scolastique avec étonnement, le souper est fini et voici l'heure du bonsoir. Voulez-vous donc fatiguer vos yeux dans des veilles prolongées ? Ah, Sainte Vierge, c'est pourtant le cas de dormir et de retrouver un peu de joie dans de jolis rêves. À cette époque maudite où nous vivons, qui peut se promettre une journée de bonheur ? Ne faudrait-il pas envoyer chercher quelque médecin pour mon père ? Demanda Gérande. Un médecin ? S'écria la vieille servante. Maître Zacharius a-t-il jamais prêté l'oreille à toutes leurs imaginations et sentences ? Il peut y avoir des médecines pour les montres, mais non pour les corps. Que faire ? Murmura Gérande. S'est-il remis au travail ? S'est-il livré au repos ? « Gérande, répondit doucement Aubert, quelques contrariétés morales chagrinent Maître Zacharius et voilà tout. »« La connaissez-vous, Aubert ?»« Peut-être, Gérande. »« Racontez-nous cela, » s'écria vivement Scolastique en éteignant parcimonieusement son cierge. « Depuis plusieurs jours, Gérande, » dit le jeune ouvrier, « il se passe un fait absolument incompréhensible. Toutes les montres que votre père a faites et vendues depuis quelques années s'arrêtent subitement. » On lui en a rapporté un grand nombre. Il les a démontées avec soin. Les ressorts étaient en bon état et les rouages parfaitement établis. Il les a remontées avec plus de soin encore, mais en dépit de son habileté, elles n'ont plus marché. « Il y a du diable là-dessous !» s'écria Scolastique. « Que veux-tu dire ? » demanda Gérande. « Ce fait me semble naturel. Tout est borné sur terre et l'infini ne peut sortir de la main des hommes. » « Il n'en est pas moins vrai !» répondit Aubert, qu'il y a en cela quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux. J'ai aidé moi-même maître Zacharius à rechercher la cause de ce dérangement de ses montres. Je n'ai pu la trouver. Et plus d'une fois désespéré, les outils me sont tombés des mains. Aussi, reprit Scolastique, pourquoi se livrer à tout ce travail de réprouver? Est-il naturel qu'un petit instrument de cuivre puisse marcher tout seul et marquer les heures? On aurait dû s'en tenir au cadran solaire. Vous ne parlerez plus ainsi, Scolastique, répondit Aubert, quand vous saurez que le cadran solaire fut inventé par Caïn. Seigneur, mon Dieu, que m'apprenez-vous là? Croyez-vous, reprit ingénument Gérande, que l'on puisse prier Dieu de rendre la vie aux montres de mon père? Sans aucun doute, répondit le jeune ouvrier. Bon, voici des prières inutiles, grommela la vieille servante, mais le ciel en pardonnera l'intention. Le cierge fut rallumé. Scolastique, Gérande et Aubert s'agenouillèrent sur les dalles de la chambre, et la jeune fille pria pour l'âme de sa mère, pour la sanctification de la nuit, pour les voyageurs et les prisonniers, pour les bons et les méchants, et surtout pour les tristesses inconnues de son père. Puis ces trois dévotes personnes se relevèrent avec quelque confiance au cœur, car elles avaient remis leur peine dans le sein de Dieu. Aubert regagna sa chambre, Gérande s'assit toute pensive près de sa fenêtre, pendant que les dernières lueurs s'éteignaient dans la ville de Genève. Et Scolastique, après avoir versé un peu d'eau sur les tisons embrasés et poussé les deux énormes verrous de la porte, se jeta sur son lit où elle ne tarda pas à rêver qu'elle mourait de peur. Cependant, l'horreur de cette nuit d'hiver avait augmenté. Parfois, avec les tourbillons du fleuve, le vent s'engouffrait sous les pilotis et la maison frissonnait tout entière. Mais la jeune fille, absorbée par sa tristesse, ne songeait qu'à son père. Depuis les paroles d'Aubert Thune, la maladie de maître Zacharius avait pris à ses yeux des proportions fantastiques, et il lui semblait que cette chère existence, devenue purement mécanique, ne se mouvait plus qu'avec effort sur ses pivots usés. Soudain, l'abat-vent, violemment poussé par la rafale, heurta la fenêtre de sa chambre. Gérande tressaillit et se leva brusquement, sans comprendre la cause de ce bruit qui secoua sa torpeur. Dès que son émotion se fut calmée, elle ouvrit le châssis. Les nuages avaient crevé et une pluie torrentielle crépitait sur les toitures environnantes. La jeune fille se pencha au dehors pour attirer le volet ballotté par le vent, mais elle eut peur. Il lui parut que la pluie et le fleuve, confondant leurs eaux tumultueuses, submergeaient cette fragile maison dont les ais craquaient de toutes parts. Elle voulut fuir sa chambre, mais elle aperçut au-dessous d'elle la réverbération d'une lumière qui devait venir du réduit de maître Zacharius, et dans un de ces calmes momentanés pendant lesquels se taisent les éléments, son oreille fut frappée par des sons plaintifs. Elle tenta de refermer sa fenêtre et ne put y parvenir. Le vent la repoussait avec violence, comme un malfaiteur qui s'introduit dans une habitation. Gérande pensa devenir folle de terreur. Que faisait donc son père? Elle ouvrit la porte qui lui échappa des mains et battit bruyamment sous l'effort de la tempête. Gérande se trouva alors dans la salle obscure du souper, parvint en tâtonnant à gagner l'escalier qui aboutissait à l'atelier de maître Zacharius, et s'y laissa glisser, pâle et mourante. Le vieil horloger était debout, au milieu de cette chambre que remplissaient les mugissements du fleuve. Ses cheveux hérissés lui donnaient un aspect sinistre. Il parlait, il gesticulait, sans voir, sans entendre. Gérande demeura sur le seuil. « C'est la mort !» disait maître Zacharius d'une voix sourde. « C'est la mort. Que me reste-t-il à vivre maintenant que j'ai dispersé mon existence par le monde? Car moi, maître Zacharius, je suis bien le créateur de toutes ces montres que j'ai fabriquées. C'est bien une partie de mon âme que j'ai enfermée dans chacune de ces boîtes de fer, d'argent ou d'or. Chaque fois que s'arrête une de ces horloges maudites, je sens mon cœur qui cesse de battre, car je les ai réglées sur ces pulsations. » Et en parlant de cette façon étrange, le vieillard jeta les yeux sur son établi. Là se trouvaient toutes les parties d'une montre qu'il avait soigneusement démontée. Il prit une sorte de cylindre creux, appelé barillet, dans lequel est enfermé le ressort, et il en retira la spirale d'acier qui, au lieu de se détendre suivant les lois de son élasticité, demeura roulée sur elle-même, ainsi qu'une vipère endormie. Elle semblait nouée, comme ces vieillards impotents dont le sang s'est figé à la longue. Maître Zacharius essaya vainement de la dérouler de ses doigts amaigris, dont la silhouette s'allongeait démesurément sur la muraille, mais il ne put y parvenir. Et bientôt, avec un terrible cri de colère, il la précipita par le Judas dans les tourbillons du Rhône. Gérande, les pieds cloués à terre, demeurait sans souffle, sans mouvement. Elle voulait et ne pouvait s'approcher de son père. De vertigineuses hallucinations s'emparaient d'elle. Soudain, elle entendit dans l'ombre une voix murmurer à son oreille. « Gérande, ma chère Gérande, la douleur vous tient encore éveillée. Rentrez, je vous prie, la nuit est froide. »« Aubert, » murmura la jeune fille à mi-voix, « vous, ne devais-je pas m'inquiéter de ce qui vous inquiète ?» répondit Aubert. Ces douces paroles firent revenir le sang au cœur de la jeune fille. Elle s'appuya au bras de l'ouvrier et lui dit « Mon père est bien malade, Aubert. Vous seul pouvez le guérir, car cette affection de l'âme ne céderait pas aux consolations de sa fille. Il a l'esprit frappé d'un accident fort naturel, et en travaillant avec lui à réparer ses montres, vous le ramènerez à la raison. Aubert, il n'est pas vrai, ajouta-t-elle encore tout impressionnée, que sa vie se confonde avec celle de ses horloges. » Aubert ne répondit pas. « Mais ce serait donc un métier réprouvé du ciel que le métier de mon père, » fit Gérande en frissonnant. « Je ne sais, » répondit l'ouvrier, qui réchauffa de ses mains les mains glacées de la jeune fille. « Mais retournez à votre chambre, ma pauvre Gérande, et avec le repos, reprenez quelque espérance. » Gérande regagna lentement sa chambre, et elle y demeura jusqu'au jour, sans que le sommeil appesantît ses paupières, tandis que maître Zacharius, toujours muet et immobile, regardait le fleuve couler bruyamment à ses pieds.